viendra. Je regrette pas tout ce passé, comme autrefois. Et je me souviens, tu as été à moi, j'étais à toi. Je sens la terre, elle tremble, le ciel pleure, le vent qui chauffe. Pendant ma vie, je t'ai attendu, tu m'as manqué, jour et nuit. Dans tes yeux, je le vois, que tu m'aimes encore une fois. Et tu me l'aimes seulement que moi. Dans tes yeux, je le vois, que tu m'aimes encore une fois. Et tu sais. Et je te vois, si belle la couleur que tu m'envoies, comme un papillon, comme une étoile. Je sens la terre, elle tremble, le ciel pleure, le vent qui chauffe. Pendant ma vie, je t'ai attendu, tu m'as manqué, jour et nuit. Dans tes yeux, je le vois, que tu m'aimes encore. Tu m'aimes seulement que moi. Dans tes yeux, je le vois, que tu m'aimes encore une fois. Et tu sais, je suis à toi. Dans tes yeux, je le vois, que tu m'aimes encore une fois. Et tu m'aimes seulement que moi. Dans tes yeux, je le vois, que tu m'aimes encore une fois. T'as beau comme la soie, fort mon cœur bat. Le temps, il passe, il vole. Je suis bien dans le creux de tes bras. Ce soir, on rêve ensemble.